Chapitre 12e. Newman, à son retour à Paris, n'avait pas repris ses leçons de français avec M. Nioche, ne jugeant pas nécessaire de perdre davantage son temps. Cependant, M. Nioche, qui, paraît-il, avait appris son arrivée d'une façon mystérieuse et qui resta toujours inexpliquée aussi bien pour lui que pour Newman, vint le voir quelques jours à peine après son installation boulevard Haussmann. Le petit capitaliste ruiné ne se borna pas à cette première visite. Il revint souvent. On eût dit que sa conscience lui reprochait d'avoir accepté des honoraires exagérés et qu'humilié des libéralités de son patron, il cherchait à s'acquitter par toutes sortes de conseils grammaticaux et de renseignements statistiques. Si le pauvre homme avait toujours le même aspect décent et mélancolique, quelques mois de brossage de plus ou de moins, qu'était-ce là, en effet, pour l'antique lustre de son habit et de son chapeau. Son moral, au contraire, avait reçu de rudes atteintes dans le courant de l'été. On envoyait la corde. Newman s'informa de Mademoiselle Noémie avec intérêt. M. Nioche hésita d'abord à répondre. Pendant un moment, il regarda en silence son bienfaiteur d'un air mélancolique et piteux. « Ah, monsieur, ne me questionnez pas. Je la surveille de mon mieux, mais je n'y puis rien. » « Voulez-vous dire qu'elle se conduit mal ?»« Je ne sais pas. Je ne peux pourtant pas la suivre perpétuellement. Je ne la comprends pas. Elle a quelques projets en tête que je ne m'explique pas. Elle est trop profonde pour moi. » « Va-t-elle toujours au Louvre ? A-t-elle terminé quelques-unes de mes copies ?»« Elle va au Louvre, mais je n'entends pas parler de copies. Elle a bien une toile sur son chevalet, je suppose que c'est un des tableaux que vous lui avez commandé. » « Ah, monsieur, une si magnifique commande. Ça aurait dû lui donner des doigts de fée, mais elle n'a pas d'ardeur, et je n'ose pas lui faire la moindre observation. Elle me fait peur. Un soir de cet été, je la menais promener aux Champs-Élysées. Elle me dit ce soir-là des choses qui m'épouvantèrent. Quelles choses ? Permettez à un malheureux père de ne pas vous les répéter, » soupira M. Nioche en dépliant son mouchoir de calicot. Newman se promit d'aller au Louvre pour une nouvelle entrevue avec Mademoiselle Noémie. Il était curieux de s'assurer par lui-même du degré d'avancement de ses copies et surtout de l'état d'esprit de la jeune personne elle-même. Quelques jours plus tard, en effet, il s'y rendit un après-midi. Comme il traversait la longue galerie des maîtres italiens, ayant cherché vainement sa jeune protégée dans plusieurs salles, il se trouva face à face avec Valentin de Bellegarde. « Ah ! Enfin, Dieu soit loué !» s'écria vivement le comte en lui tendant la main. « Je trouve donc à qui parler. Je suis d'une humeur massacrante. Il me faut quelqu'un à contredire. Comment ? De mauvaise humeur au milieu de tant de belles choses ? » répondit Newman. « Je vous croyais grand amateur de tableaux, surtout de vieux tableaux tout noirs. Il y a dans cette galerie deux ou trois qui réalisent en tout point votre idéal. Oh ! Pour aujourd'hui, je ne me sens pas en veine d'admirer les tableaux. Et les plus beaux sont ceux que j'aimerais encore le moins. Tous ces regards fixes et ces positions invariables mettent hors de moi. Il me semble être dans un grand salon triste et morne au milieu d'un tas de gens auxquels je n'aurais pas la moindre envie d'adresser la parole. Que m'importe leur beauté ? C'est un ennui de plus. C'est pire encore, c'est un reproche. J'ai toutes sortes d'ennuis. Je me sens vicieux. « Si le Louvre n'a plus d'attrait pour vous, qui venez-vous faire alors ?»« Ah, voilà justement un de mes ennuis. Je suis venu attendre ici une de mes cousines, une terrible cousine anglaise, du côté de ma mère. Elle est à Paris pour 8 ou 10 jours avec son mari et m'a prié de lui montrer les beautés de la capitale. Figurez-vous une femme avec un chapeau de crêpe vert en décembre ?» et d'interminables pieds chaussés de bottines de voyage dont les lacets lui battent les chevilles. Ma mère m'a demandé de faire quelque chose pour ses estimables parents, et me voici prêt à remplir mes fonctions de valet de place, tout l'après-midi. Ils devaient être ici à 2 heures, et je les attends déjà depuis plus de 20 minutes. Pourquoi ma délicieuse cousine n'arrive-t-elle pas ? Ce ne sont pas les pieds qui lui manquent cependant pour marcher vite. Je ne sais si je dois être furieux ou enchanté de me voir fausser compagnie. Je crois qu'à votre place, je serais furieux, dit Newman, car enfin, il est encore possible qu'ils arrivent, et dans ce cas, votre fureur vous servira au moins à quelque chose. tandis que si vous êtes enchanté et qu'ils apparaissent tout à coup, vous ne saurez que faire de votre joie anticipée. Vous me donnez là un excellent conseil, et je me sens déjà mieux. Bah, pour la fureur, qu'ils aillent au diable. Moi, je ne vous quitte plus, à moins que vous n'ayez par hasard un rendez-vous. Ce n'est pas précisément un rendez-vous, mais en réalité, je suis venu voir une personne et non les tableaux. Une femme, cela va sans dire. Une jeune fille. J'espère pour vous alors qu'elle n'a pas un chapeau de tulle vert et que ses pieds ne sont pas d'une proportion exagérée. Je ne saurais vous dire comment sont ses pieds, mais elle a de fort jolies mains. Valentin soupira. Et sur cette assurance, je dois vous quitter, n'est-ce pas ? Je ne suis pas le moins du monde certain de la rencontrer, répondit Newman. Et dans l'incertitude, je ne voudrais pas me priver de votre compagnie. Je ne sais trop s'il serait particulièrement désirable que je vous présentasse à mademoiselle, et pourtant je serais bien aise d'avoir votre avis sur elle. Est-elle jolie ? Je crois que vous la trouverez charmante. Bellegarde passa son bras sous celui de son ami. Allons la trouver, sans perdre une minute. Je rougirais de faire attendre mon verdict à une jolie femme. Newman, tout en se laissant entraîner par Valentin, ralentit le pas. Il semblait réfléchir. Les deux hommes suivirent la grande galerie dans toute sa longueur, puis passèrent dans une salle plus petite sur la gauche. Il y avait là peu de monde et ils aperçurent tout de suite Mademoiselle Nioche assise à l'extrémité de la pièce devant son chevalet. Elle ne travaillait pas. Sa palette et ses pinceaux posés à côté d'elle, les mains jointes sur ses genoux, la tête renversée sur le dossier de sa chaise, elle tenait ses yeux avidement fixés sur deux dames qui lui tournaient le dos, arrêtées devant un tableau. Deux dames appartenant vraisemblablement à la haute fashion, en jugées du moins par la suprême élégance de leur mise et la coupe à la dernière mode de leur robe, dont les longues traînes s'étalaient sur le parquet. C'était leur toilette que regardait Mademoiselle Noémie. Que pensait-elle ? Je suis incapable de le deviner. Mais peut-être, se disait-elle, c'est une simple supposition de ma part, peut-être se disait-elle que le plaisir ineffable de traîner après soi une semblable queue ne saurait-ce payer trop cher. Ces réflexions, en tout cas, furent interrompues par l'arrivée de Newman et de son ami. Elle leur jeta un rapide coup d'œil, rougit légèrement, et se levant s'appuya sur son chevalet. « Je suis venu ici exprès pour vous voir, » dit Newman dans son mauvais français, en lui tendant la main. Puis, en vrai américain, il présenta cérémonieusement Valentin. « Permettez-moi de vous présenter le comte Valentin de Bellegarde. » Le salut de Valentin lui semblait à Mademoiselle Noémie tout à fait en harmonie avec son titre. Mais si elle fut impressionnée, elle n'en laissa rien paraître, et dans le petit signe de tête gracieux qu'elle lui adressa en réponse, il n'y eut trace ni de surprise ni d'intimidation. Elle rajusta de la main sa chevelure rebelle, puis retournant d'un mouvement rapide la toile posée sur son chevalet, elle s'adressa directement à Newman. « Alors vous ne m'avez pas oublié ?»« Je ne vous oublierai jamais, vous pouvez en être certaine. »« Oh !» continua la jeune fille. « Il y a tant de manières différentes de se souvenir de quelqu'un. » Et elle regarda en face Valentin dont les yeux ne la quittaient pas, comme un homme qui sait son verdict attendu et veut le rendre en connaissance de cause. « Avez-vous terminé quelques-unes de mes copies ?» reprit Newman. « Avez-vous bien travaillé ?»« Non, je n'ai rien fait. » Elle saisit sa palette et se mit à en mêler les couleurs au hasard. « Votre père m'a dit cependant que vous veniez ici tous les jours. »« J'y viens parce que je ne sais pas où aller. Ici, du moins, il fait frais en été. » »« Mais vous y trouvant pourquoi n'avoir pas travaillé ?»« Je vous l'ai dit, » répondit-elle doucement. « Je ne sais pas peindre. » « Oh, mademoiselle, » dit Valentin, « vous avez là sur votre chevalet quelque chose de charmant, j'en suis sûr. Si vous vouliez seulement nous le laisser voir. » Mademoiselle Noémie étendit ses deux mains, les doigts écartés, sur la toile retournée, ses mains que Newman avait qualifiées de jolies, et que maintenant, malgré quelques taches de couleur, Valentin pouvait admirer à son aise. « Ma peinture n'est pas charmante. » « C'est la seule chose venant de vous qui ne le serait pas, » dit galamment Valentin. Elle prit la petite toile et, sans répondre, la lui passa, quand il y eut jeté les yeux. « Vous êtes connaisseur, sans doute, » fit-elle en souriant. « Oui, très connaisseur. » « Eh bien, vous êtes de mon opinion, n'est-ce pas? C'est exécrable. »« Mon Dieu, distinguons. »« Vous voyez maintenant que la peinture n'est pas mon affaire, » continua la jeune fille. « Vous voulez mon avis ?»« Mademoiselle, eh bien là, franchement, je pense que non. » De nouveau, elle regarda les splendides toilettes sans pour cela perdre de vue Valentin de Bellegarde. En tout cas, lui ne la quittait pas du regard. Il reposa sur le chevalet la grotesque ébauche avec un clignement d'yeux, accompagné d'un petit claquement de langue à l'adresse de Newman. « Et où avez-vous été tous ces derniers mois ?» demanda Mademoiselle Noémie à l'Américain. « Vous avez fait votre long voyage ? Vous êtes-vous bien amusé ?»« Mais oui, assez. »« J'en suis charmé, » fit-elle d'une voix douce, tout en recommençant à mélanger ses couleurs. Elle était singulièrement jolie en ce moment, avec cette expression de sérieux sympathie qu'elle sut donner à son visage. Valentin profita de l'instant où elle baissait les yeux pour recommencer ses signaux télégraphiques, qui l'accompagnaient cette fois d'un jeu de physionomie étrange, puis de rapides mouvements de sa main et de ses doigts en l'air. Il trouvait, évidemment, Mademoiselle Noémie fort intéressante. Les Diables Noirs étaient partis, laissant le champ libre. « Racontez-moi un peu vos voyages, » murmura la jeune fille. « Oh, j'ai visité la Suisse, de Genève à Zurich et tous ces endroits-là, vous savez. Puis Venise et l'Allemagne, le Rhin, la Hollande, la Belgique. Enfin, j'ai fait, comment dites-vous, le regular round en français ?» demanda Newman en se tournant vers son ami. Mademoiselle Noémie regarda elle aussi Bellegarde et lui dit en souriant « Je ne peux pas bien saisir tout ce que dit monsieur quand il parle si longtemps de suite. Seriez-vous assez bon pour traduire ?»« J'aimerais mieux ne pas traduire et vous parler pour mon propre compte. »« Non, » déclara gravement Newman, « ne parlez pas à Mademoiselle Nioche. Vous lui dites des choses décourageantes. Il faut au contraire lui conseiller de travailler, de persévérer. »« Ah, mademoiselle !» s'écria Valentin. « Et l'on nous accuse, nous autres Français, d'être de vils flatteurs. »« Je n'ai que faire des flatteries. Je ne demande que la vérité, et je la connais, la vérité. »« Je n'ajouterai donc qu'un mot. Il y a certaines choses, j'en suis sûr, que vous feriez beaucoup mieux que des copies de Raphaël. »« Je connais la vérité, je connais la vérité, » répéta Mademoiselle Noémie. Et trempant son pinceau dans la couleur rouge, elle tira une large ligne horizontale en travers de son tableau inachevé. « Qu'est-ce que cela ?» s'écria Newman. Sans répondre, elle tira une autre barre écarlate verticale, cette fois, et montrant aux deux hommes cette croix grossière. « C'est le signe de la vérité, » dit-elle. Newman et Valentin se regardèrent. Ce dernier se livra de nouveau à son manège muet mais éloquent. « Vous avez abîmé votre peinture ?» s'écria Newman. « Je le sais fort bien. Elle ne méritait pas autre chose. Je suis resté toute la journée, assise là, à la considérer sans seulement y toucher. Elle m'horripilait. J'avais je ne sais quel pressentiment qu'il allait m'arriver quelque chose. « J'aime mieux ce petit tableau maintenant que tout à l'heure, » dit Valentin. « Il est plus intéressant, il a une histoire. Est-il à vendre, mademoiselle, tel quel ?»« Tout ce que j'ai est à vendre. Combien, ceci ?» 10 000 francs, dit-elle avec le plus grand sang-froid. Pardon, toutes les œuvres de mademoiselle m'appartiennent exclusivement jusqu'à nouvel ordre. Je les ai achetées par avance, depuis plusieurs mois déjà, observa Newman. Vous ne pouvez donc vous rendre acquéreur de celle-ci. Monsieur n'y perdra pas grand-chose, fit la jeune fille en lançant à Valentin un rapide coup d'œil. J'en conserverai du moins un charmant souvenir, répliqua celui-ci. Et la voyant remettre dans la boîte palette et pinceau, « Vous partez déjà ? Votre séance est-elle terminée ? Mon père vient me chercher. » En effet, à ce moment-là même, M. Nioche apparaissait à l'autre bout de la salle. Il entra avec sa gaucherie habituelle, son air humble, résigné, et salua respectueusement quand il fut près du chevalet de sa fille. Newman lui donna une cordiale poignée de main et Valentin lui rendit son salut avec déférence. En attendant que Noémie eût terminé ses préparatifs de départ, le vieillard examinait du coin de l'œil M. de Bellegarde, qui semblait suivre avec un curieux intérêt chacun des mouvements de Mademoiselle Noémie mettant son mantelet et son chapeau. Valentin ne cherchait pas, du reste, à dissimuler son attention. Il regardait cette jolie fille comme il aurait écouté un morceau exquis de musique. Toute distraction, dans les deux cas, eût été un manque de savoir-vivre. Monsieur Nioche prit d'une main la boîte à couleurs, de l'autre la toile barbouillée, qu'il considéra un instant d'un air solennel, étonné et inquiet, puis se dirigea vers la porte. Mademoiselle Noémie fit aux jeunes gens un salut de duchesse et suivit son père. « Eh bien, demanda Newman, que pensez-vous d'elle ?»« Elle est très remarquable. »« Diable, diable, diable !» répéta monsieur de Bellegarde, pensif. « Très remarquable. » « J'ai peur que ce ne soit une petite aventurière. »« Non, pas une petite, une grande. »« Il y a de l'étoffe. »« Ah, elle est fort intéressante. C'est un type admirable. »« Mais elle n'est pas belle. Je ne la trouve même pas jolie. » Elle est suffisamment jolie pour ce qu'elle veut faire. Elle est séduisante, ce qui vaut 100 fois mieux. Plus jolie, elle serait moins intelligente, et son intelligence est la moitié de son charme. En quoi son intelligence ? Demanda Newman, qu'amusait cette étude raisonnée sur Mademoiselle Nioche. Vous paraît-elle donc si remarquable ? Elle a mesuré la vie, et a décidé d'être quelque chose, de réussir à tout prix. Sa peinture n'est, cela va sans dire, qu'un moyen de gagner du temps. Elle guette une occasion. Elle est résolue à se lancer toute seule et à ne pas se tromper. Elle connaît son pari sur le bout du doigt. Des femmes ambitieuses comme elle, on en compte par milliers, mais je vous réponds que sous le rapport de la résolution et des capacités, Mademoiselle Nioche n'a pas sa pareille, et je mettrai ma main au feu qu'elle possède au plus haut degré la vertu essentielle. Elle n'a pas de cœur. Non. Pas plus de cœur que la pointe d'une aiguille. Et c'est là l'important. Cette jeune fille sera une des célébrités de l'avenir. Juste ciel ! S'écria Newman. Voilà donc jusqu'où les appréciations artistiques peuvent entraîner un homme sensé. Mais pour ce qui est de Mademoiselle Nioche, je vous en prie, arrêtez-vous là. Vous avez appris en un quart d'heure beaucoup de choses sur elle. Que ces renseignements vous suffisent, et ne poussez pas plus loin vos investigations. « Mon cher garçon, s'écrie avec chaleur Valentin, vous me croyez trop bien élevé, j'espère, pour aller sur vos brisées. »« Vous n'allez pas sur mes brisées, cette fille ne m'est rien, elle me déplaît plutôt. Mais je m'intéresse à son pauvre père. C'est pour l'amour de lui que je vous demande de ne pas chercher à vérifier l'exactitude de vos théories. »« Comment ? Pour l'amour de ce vieux bonhomme qui est venu la chercher ? Oh non, non ! Mon cher, vous êtes dans une erreur complète. Ne vous inquiétez pas de lui, allez !» Je crois, Dieu me pardonne, que vous accusez le pauvre homme d'être capable de profiter des fautes de sa fille. Voyons, dit Valentin. Qui est-il? D'où sort-il? Il est ce qu'il paraît, pauvre comme un rat, mais fort honorable. Justement, c'est bien ainsi que je l'ai jugé du premier coup d'œil. Je lui rends justice, soyez-en sûr. Il a eu des malheurs, comme on dit. Il est complètement découragé aujourd'hui et ne sait que faire de sa fille. Il est l'honneur même, soit. Il a 60 années d'honnêteté sur le dos. Bien, je vous concède tout cela. Mais je connais les Parisiens. Et si vous voulez, je vous parie une chose, c'est que tout en aimant mieux peut-être voir sa fille se bien conduire, si elle tourne mal, le vieux bonhomme n'imitera pas Virginius. Le succès justifie tout. Si Mademoiselle Noémie fait figure dans le monde, son honnête papa se sentira, voyons, comment dirais-je, soulagé. Oui. L'avenir de votre protégé est assuré. J'ignore ce que fit Virginius, répondit Newman, mais M. Nioche, si pareille chose arrivait, tuerait Mademoiselle Noémie. Après quoi, son avenir, j'imagine, serait assuré dans quelque bonne prison. Je ne suis pas un cynique, reprit Valentin, je suis tout simplement un observateur. Mademoiselle Nioche m'intéresse, elle est tout à fait remarquable. S'il existe vraiment des raisons d'honneur ou de convenance qui me fassent une loi de la chasser à jamais de mes pensées, je m'y soumettrai de bonne grâce. Votre opinion sur le père me semble suffisante, jusqu'au moment où vous reconnaîtrez qu'elle est erronée. Je vous promets donc de ne pas chercher à revoir la fille, à moins que vous ne veniez me dire « Je reconnais m'être trompé sur le compte de M. Nioche. » Mais s'il n'est pas ce que vous croyez, si vous trouvez en lui un philosophe, lèverez-vous votre interdit ? Auriez-vous l'intention de le corrompre ? Ah ! Vous admettez alors qu'il est corruptible? Non. Il demanderait trop cher, et puis ce ne serait pas honorable. Je me contenterai d'attendre. Vous continuerez, je suppose, à voir de temps en temps ce couple intéressant, et m'en donnerez des nouvelles vous-même. Eh bien, soit. Si ce vieillard est ce que vous dites, vous ferez ce qui vous plaira. Je m'en lave les mains. Quant à la jeune fille, soyez tranquille. Je ne sais quel mal elle pourrait me faire, mais je ne lui en ferai certainement jamais, moi. Vous me semblez être tous les deux, ajouta Newman, parfaitement assortis, mais vous m'êtes aussi incompréhensibles l'un que l'autre, et je crois, sur ma parole, que M. Nioche et moi, nous sommes les seuls hommes vertueux de Paris. À ce moment, Valentin de Bellegarde reçut dans le dos un violent coup d'un instrument pointu. Se retournant vivement, il vit que cet instrument n'était autre qu'une ombrelle dans la main d'une dame en chapeau de gaze verte. Les parents d'Angleterre avaient parcouru le musée sans cicérone et jugeaient sans doute sévèrement l'inconcevable légèreté de leur jeune cousin. Newman l'abandonna à leur merci, convaincu qu'il ne manquerait pas d'excuses pour pallier son manque d'égard.